Bonjour, je m'appelle Damien Lamy, je suis le créateur du site Esprit Gagnant. Je vais vous parler du livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » d'Olivier Roland, qui a radicalement changé ma vie. Donc, je l'ai lu il y a tout juste 2 ans, parce que j'étais en vacances, comme aujourd'hui. C'était il y a 2 ans. Alors moi, j'étais vraiment la caricature parce que je regardais beaucoup la télé. Je me documentais beaucoup, mais je passais rarement à l'action. Et en fait, en lisant ce livre, ça a été comme une découverte. Parce que j'ai complètement fait un virage et j'ai arrêté de regarder la télé, arrêté de regarder les journaux télévisés, faire une diète, ce qu'il appelle la diète médiatique. C'est le point pour moi le plus important dans son livre, parce que dès le moment où tu fais ta diète médiatique, derrière, tu es ouvert à faire plein de choses. Donc j'ai lu, j'ai appliqué le bon sceptique et le mauvais sceptique, c'est-à-dire j'arrête de dire non, je teste et après je me fais mon avis. Donc diète médiatique et bon sceptique, mauvais sceptique, pour moi, c'est vraiment la chose la plus forte que je retiens de ce livre. Et entre il y a 2 ans et aujourd'hui, j'ai accéléré mes investissements immobiliers. J'ai monté mon business en ligne pour aider les gens à investir dans l'immobilier. Je fais mon premier séminaire en immobilier où je vais d'ailleurs parler d'Olivier Roland et de son livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » pour dire à quel point ce livre-là a changé ma vie. Et d'ailleurs, c'est un livre que j'offre au photographe de mon séminaire. J'ai discuté avec lui, il avait l'air intéressé. Je lui ai dit, je t'offre ce livre parce que je pense que tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est un livre qu'on ne doit pas acheter, c'est un livre qu'on doit se faire offrir par une personne bienveillante. Donc si tu as lu ce livre, achète-en une version à offrir à quelqu'un, parce que pour moi, le meilleur cadeau que tu puisses faire à quelqu'un, c'est d'offrir ce livre. Et pour la petite histoire, il y a 2 ans, mon fils avait 6 ans et il apprenait à lire. Et il a vu, il décryptait le titre, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et je lui dis, je t'expliquerai. Fais tes études, parce que bon, on est d'accord que c'est un titre un peu marketing, mais il y a une vérité derrière sur le système éducatif. Et voilà, pour moi, ça m'a permis tellement de faire des choses. Et l'apogée, ça a été de tenter d'être plus à l'aise avec les gens. Tu sais, quand il parle à un moment dans son livre, de sourire, d'être dans le métro et de faire une journée où tu souris à tout le monde, tu souris aux filles, même si elles te prennent un peu bizarre. Mais je l'ai fait et c'est trop marrant. Et l'apogée de ça, c'est d'oser aller voir Olivier et de lui demander une interview. Et du coup, j'ai pu l'interviewer sur ma chaîne YouTube. Et clairement, c'était un grand moment parce que pour moi, Olivier, alors je suis pas un gros fan de plein de choses, mais Olivier, c'est clairement un mentor. Aujourd'hui, j'ai développé moi-même mon activité. Je suis passé à un niveau supérieur, mais ça reste pour moi un mentor, ça reste un déclencheur. Et ce livre-là, si tu prends juste 10% du livre et que tu l'appliques, c'est juste quelque chose qui va permettre de tout exploser, de passer à un niveau supérieur. Donc, lis ce livre et adopte au moins 10% du livre et tu es sûr de passer à un niveau de fou. Ciao !